Internacional. Longe da vista, perto do coração. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous hebdomadaire où le métal en fusion coule comme d'habitude et va réchauffer l'atmosphère. Ce soir, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh bien, des nouveautés qui seront au nombre de 3. Il y aura bien évidemment un hommage à Gary Rossington, qui était le dernier membre d'origine encore survivant du légendaire groupe Lynyrd Skynyrd. Et puis également, nous découvrirons, enfin ceux qui ont de la mémoire connaissent déjà ce groupe, mais à le groupe Asylum Pyre que j'ai eu la chance d'interviewer, ça c'était le mois dernier, et nous parlerons donc aussi de leur nouvel album qui sortira à la fin du mois. Voilà, en gros, ce qui vous attend ce soir. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien on va commencer tout de suite avec du furieux, avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière, c'est le live de Angelic Upstarts, la légende de ce groupe punk des années 80, avec un live, on va dire, quasiment posthume, puisque le chanteur Menzi est décédé en 2022 et qui était le dernier membre d'origine lui aussi. C'était un extrait d'un album qui s'appelle Fiesta La Mas 2016, enregistré à Rennes et sorti en fin d'année dernière. On va commencer tout de suite avec un petit brûlot qui s'appelle 2 Million Voices. Allez! Go right. Nothing et 2 million voices. Tous deux extraits donc du Live Fiesta La Masse 2016 sorti en fin d'année dernière. C'était donc la légende du punk rock, du punk oi, Hop Angelic Upstart. Passons à quelque chose de beaucoup plus proche géographiquement et complètement différent, d'un univers beaucoup plus ouaté, beaucoup plus soft, on va dire, puisqu'on va retrouver le groupe Sika, donc qui vient de sortir son premier album intitulé It's Time. Et le groupe Sika, qui, je vous rappelle, vient donc d'Orléans et sera donc les invités d'Electric Shock la semaine prochaine. Donc ne ratez surtout pas l'émission si vous voulez en savoir plus sur ce groupe qui pratique une musique, un mélange de pop, de électro, de métal, enfin de plein de choses. Donc à mon avis, très intéressant. Je pense qu'on va passer un très bon moment à discuter avec le groupe. Eh bien, on va se passer ce soir le premier morceau de l'album, qui est en même temps le premier single. Et si vous avez l'occasion de faire un petit tour sur leur site, vous allez voir qu'il est filmé pas très loin de chez nous, Chevilly, à côté de l'ancien rail, de ce qui devait être un superbe projet qui a malheureusement complètement foiré, l'aérotrain. Donc voilà, on en parlera certainement mardi prochain. En attendant, écoutons Enjoy. C'était Charlotte Wessels, l'ancienne chanteuse de D-Lane, et son premier album solo, Tales from Six Feet Under Volume 1, qui était sorti en 2021. Et si vous voulez l'avoir en CD, sorti en vinyle, et si vous voulez l'attendre en CD, il a fallu attendre la fin de l'année 2022 pour que celui-ci sorte, accouplé avec le deuxième, le volume 2, sorti donc à la même époque. Vous m'avez suivi, j'espère? Bah sinon, c'est pas grave. Enfin, avant Charlotte Wessels, c'était donc Sika, le groupe Sika de bien de chez nous, et son premier album It's Time, et le morceau Enjoy, qui est leur single. Et je vous rappelle donc que Sika seront mes invités donc la semaine prochaine. Donc ne ratez pas si vous voulez en savoir plus sur ce groupe hors norme. On va se faire la première nouveauté donc maintenant de la soirée, avec dans la série Faisons du neuf avec du vieux, je voudrais une fois de plus Motorhead. Alors c'est vrai qu'on ces derniers temps, on a été gâtés avec Motorhead, entre les sorties anniversaires pour les albums Overkill, Bomber, Ace of Spades, No Sleep Till Hammersmith, Iron Fist. On a beau se dire que c'est du réchauffé, mais enfin moi, à chaque fois je marche et je fonce, et je file toujours sur mon disquaire pour acheter, parce que bon, avoir un live inédit, des démos, etc., c'est toujours plus fort que moi. Et là, ce coup-ci, c'est plus curieusement le dernier album, Bad Magic, qui ressort dans une version intitulé Seriously Bad Magic, qui est en double CD. Alors on y retrouve sous une pochette légèrement différente L'album Bad Magic, qui est donc le dernier album studio de Motorhead, qui, bon, pour un chant du cygne, vraiment n'a pas à rougir. Je pense qu'on peut dire que Motorhead est parti vraiment de façon très digne. Et agrémenté de 3 nouveaux titres, enfin, nouveaux façons de parler, puisque on y retrouve la reprise de David Bowie, Heroes, qu'on retrouvera en 2017 sur l'album posthume de reprise Undercovers. Voilà. Par contre, les deux autres morceaux, Bullet in Your Brain et Greedy Bastards, eux sont vraiment 2 titres inédits qui n'ont pas fini sur l'album. Et le deuxième CD, lui, par contre, est un concert enregistré en juillet 2015 au Mont Fuji au Japon. Curieusement, un live donc de la fin de tournée d'Aftershock et non pas de la tournée Bad Magic. Mais enfin bon, on ne boudera pas son plaisir. Bon, ça, on en passera dans les semaines qui vont suivre, croyez-moi. Et ben ce soir, ben donc la nouveauté, ça va être un de ces deux inédits, ce sera Bullet in Your Brain. Alors un morceau motorédien typique, hein, qui n'apporte rien, certes, mais ça fait toujours du bien à entendre. Ah, je sais pas si je vous ai dit, cet album, pour le démarquer de son prédécesseur, s'appelle Bad Magic, 2. Seriously Bad Magic. Yeah. just because it might be rock and roll or filthy loaded one, and since it's only lasted for about half an hour at the very top, rock and roll set lasts for an hour and a half, you know, so we got that one sorted out. Titans Rage, les Français de Titans Rage et leur premier album Never Surrender et le morceau Lemmy Tribute to Mr. Killmister. Ah bah oui, c'est vrai que quand on entend ça, ça ne peut effectivement qu'être un hommage à Lemmy. Et bah avant, tout seigneur, tout honneur, c'était les maîtres évidemment Motorhead avec Bullet in Your Brain, donc inédit de Bad Magic, qui figure donc sur la réédition Bad Magic, Seriously Bad Magic, sortie il y a de ça une quinzaine de jours et première nouveauté donc d'Electric Shock ce soir. Retournons maintenant à un vieux de la vieille qui vient de célébrer ses 50 ans de carrière sur scène là au mois d'octobre dernier, alors que son premier album date de 1970, mais enfin bon, Covid oblige, voilà. Et qui vient de sortir donc son 25e album studio, excusez du peu, et qui nous montre que ben ils ont toujours la patate et que la retraite, ben en ce moment c'est un sujet qu'on parle beaucoup, mais c'est pas pour eux. 64 ans, ça doit les faire quelque peu rigoler quand même. Et en tout cas pour nous, ben on espère qu'ils vont continuer encore de longues années à nous faire des albums aussi bons que ce Chaos and Color qui est sorti fin janvier, comme vous avez pu vous en rendre compte avec Silver Sunlight. Aussi, c'est une légende du rock, Deep Purple, avec son dernier album studio Whoosh. Enfin, dernier, pas tout à fait, puisque Turning to Crime, qui était sorti en novembre 2021, par contre, était un album de reprise, mais véritable album de nouveaux morceaux, Whoosh, qui était sorti en 2020, et ça, c'était No Need to Shout. Juste avant, plus récent, puisque sorti au mois de janvier, groupe de la même génération, qu'on a souvent opposé d'ailleurs, Uriah Heep, avec un extrait donc de Chaos and Color, c'était Silver Sunlight. Eh bien, en tout début d'émission, quand je vous racontais le sommaire, je vous disais donc que j'avais eu l'occasion de rencontrer le groupe Asylum Pyre. Alors, peut-être qu'au plus perspicace d'entre vous, ce nom dit quelque chose, parce qu'effectivement, c'est pas inconnu pour Electric Shock, puisqu'on a déjà passé quelques-uns de leurs précédents opus. Et là, donc, c'était l'occasion donc de discuter du prochain qui sort fin mars, et également aussi du passé du groupe, enfin, voilà, de plein de choses entre-temps aussi. Donc, un entretien très intéressant avec des gens très sympathiques. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter un petit peu. En attendant, eh bien, je vous laisse en compagnie du groupe Asylum Pyre. Cette interview a été réalisée, c'était le 1er février. Je suis en compagnie d'une bonne partie du groupe Asylum Pyre. On va discuter un petit peu de tout, de rien, enfin si, de principalement de leur album et du groupe. Alors, je vais me demander à mes aux gens qui sont en face de moi de se présenter. Qui c'est que j'ai en face de moi alors? Bonjour, merci Christophe. Ombline, aka Oxy, chanteuse. Bonjour Christophe. Thomas, aka Toby. Patrick. Ah oui, Cass, oui. Et Johan, aka IAE, du coup. Compo texte et un peu de guitare, un peu de chant. Voilà. Donc polyvalent. Voilà, voilà. Bon, question bateau, pour les éditeurs qui ne connaîtraient pas le groupe, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du groupe? Les premiers pas d'Asylum, ça remonte à 15 ans, déjà. Donc on en est à notre cinquième album. Donc pour faire court, voilà, on a pas mal évolué depuis un métal un peu sympho, lyrique. On a évolué vers un métal mélodique qu'on a encore du mal nous aujourd'hui à complètement définir pour ne pas l'enfermer dans une cage. Et avec une thématique liée à l'environnement qui est présente depuis le début, toute une histoire qui est développée avec des personnages qui racontent la prise de conscience et le combat pour la défense de la nature. Et justement, votre nouvel album, là, Call Me Inhuman, j'ai remarqué qu'il était sous-titré Part 5, mm-hmm. Part 5, ouais. Anglicistes jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que c'est lié au prédécesseur? Est-ce que tout ça, c'est une histoire qui commence avec le premier album et qui se poursuit encore exactement, de nos jours? Exactement. Pour être tout à fait franc, ce n'était pas forcément calculé à la base. Et c'est un truc dont on s'est rendu compte en fait quand on a fait le numéro 4. Et on s'est dit, mais en fait, tout ce qu'on raconte, c'est, depuis le début, c'est cohérent, il y a une histoire, il y a une évolution. Et en fait, voilà, ça, on continue de façon un peu plus consciente cette évolution, cette histoire qu'on avait créée de façon un peu inconsciente jusque-là. Et du coup, The Sun of Fight, Part 5, avec des personnages maintenant qui sont incarnés. Du coup, notre présentation avec Aka Oxy, Aka Cass, Aka Yae, et nos deux collègues Wick et Head, qui sont les autres personnages de l'histoire. Ah donc c'est vraiment des histoires avec des personnages. Ouais, ouais. Monde, il n'y a pas encore le côté dialogue, mais c'est peut-être toujours un petit peu, mais pas notamment dans The True Crown, il y a un petit peu ce côté dialogue, on ne l'a pas encore complètement poussé, mais ça peut être marrant, ça peut être marrant de faire un jour ça. Donc cette histoire-là, est-ce que le chapitre 5, c'est le dernier, ou lors de votre sixième album, ce sera encore toute la même continuité ou... Pour l'instant, le 6 est en écriture. J'imagine. Mais bon, dans votre esprit. D'ailleurs, le 7 et le 8 aussi, par là. Pour l'instant, il n'y a pas de fin. Il y aura une fin quand le combat se terminera. Et cet album, bah, où et quand a-t-il été enregistré? On a enregistré une grande partie, enfin, en tout cas pour ce qui est des batteries, en région parisienne en fait. C'est Fabien Mira, notre bassiste, qui était ingénieur du son sur les sessions. Et tout ça a été ensuite envoyé à Angelo, notre producteur, qui a tout mixé en Italie, comme l'album précédent en fait. Une grosse partie du chant a été fait de la même façon. En fait. Oui, dans le même studio, avec Fabien, pareil, pour enregistrer. Les guitares ont été faites un peu à part. Hein. Guitare basse un peu à la maison. À la maison et ensuite retraitées par Angelo en studio directement. Et les voix additionnelles et chœurs aussi, on en a fait un peu partout. Et les guests là. Et les guests, cornemuse au studio et puis des guests dans les maisons de campagne pour certains. Donc c'est vraiment de la cornemuse qu'on entend, c'est vrai. Il y a un vrai cornemusier. Oui, d'ailleurs tu pourras parler la façon dont tu l'as rencontré, parce que c'est une histoire à part entière aussi. En fait, moi je n'étais pas là, on m'a raconté que Thomas et Johan justement finissaient l'enregistrement des batteries et puis ils ont croisé ce monsieur-là qui jouait de la cornemuse dans un champ plus de loin. Au fin fond des Yvelines, parce qu'il faut savoir que la cornemuse, en étant un instrument très sonore, tu ne peux pas en jouer partout, c'est interdit. Et donc du coup il y avait ce monsieur, Gwen, qui jouait de la cornemuse, et puis ils ont décidé d'aller le voir, l'interpeller pour lui dire. Pas nous directement, c'est par connaissance. Ah oui, c'est par connaissance. Le gars chez qui on a enregistré, qui dit je connais un gars qui a son contact. Voilà, et du coup après Johan l'a rencontré, ça s'est bien passé humainement et puis artistiquement. Du coup derrière, après il nous a fait. On lui avait envoyé le morceau, il a fait aussi des propositions, il a suivi, et pour l'anecdote, le dernier titre de l'album, Call Me Inhuman, en fait, Johan s'est amusé à récupérer des chutes non utilisées pour ensuite les imbriquer dans ce titre-là, alors que ce n'était pas du tout prévu. Voilà, c'est le côté recyclage. Très sympa, ça. Ouais. J'imagine que ça ne va pas être possible de refaire ça sur scène, par contre. Écoute, il faudrait qu'on puisse... ça serait intéressant de le faire quand même, mais... il faudrait qu'on ait le temps de bien se préparer pour le faire, mais ça serait chouette. Justement, vous avez un petit peu parlé de tout ça, là. De quoi parlent les paroles de l'album? Toute cette histoire autour des fighters, les gens qui nous rejoignent et dans cette lutte et pour la défense de la nature. Et puis c'est un mélange de constats sur l'état de la planète, sur l'état de nos comportements à tous les niveaux de la société. On est en 2052 aussi. Il y a une projection en 2052 pour le combat. Pourquoi 2052 hein? C'est simple, c'est que c'est 10 ans avant 2062, qui est 50 ans après Fifty Years Later, qui était le deuxième album. Je vous laisse refaire les calculs. C'est son côté ingénieur, pour vous. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, c'est toute cette histoire. Et puis les impacts aussi que ça peut avoir, ça, sur notre mental, l'éco-anxiété, les dépressions, des trucs comme ça, il y a souvent un lien aussi, ou des parallèles qui sont faits entre nos comportements sociétaux et nos comportements dans la nature aussi, et l'engrenage dans lequel on peut être placé. Et donc j'imagine que le monde que vous décrivez de 2052 est encore pire que celui que nous vivons en 2022, parce que oui, je n'ai pas vu les paroles. Pour le moment, le journal nous dit qu'on n'a pas tort, mais on verra d'ici 40 ans, mais oui, c'est pas beaucoup mieux, non, c'est sûr. À 8 milliards de gens à faire cohabiter, peut-être 9 bientôt. Et surtout, on va dire, à les 2 milliards de gens qui vivent à peu près correctement, et les autres... Et les autres qui n'ont aucune envie, c'est de vivre correctement. Et à qui on dit non, pas vous. Oui, voilà. Et après, il faudrait voir ce qu'on appelle correctement. Est-ce que le correctement, c'est ce que nous on vit ou pas, ça c'est important. Et même nous, à notre échelle, il y a peu près cher, le niveau de vie, on va en interne, tu fais le tour du groupe déjà, tu... Non mais c'est vrai. Voilà, c'est sur ces considérations écologiques très intéressantes d'ailleurs que on arrête là pour l'interview de Asylum Empire. On les retrouvera non pas la semaine prochaine parce que invité oblige bien sûr, on va privilégier plutôt mais on les retrouvera donc prochainement dans Electric Shock. Eh bien, à 19h44 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, déjà trois quarts d'heure qu'Electric Shock. Et là, on va continuer heavy metal, pur heavy metal, avec le groupe italien Bastet, que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines, et leur premier album éponyme, qui est vraiment une belle tuerie. Pas l'album le plus original qui soit, mais par contre, c'est d'une efficacité vraiment redoutable. On se fait un petit Lights Out? Allez, c'est parti! We'll be right back. Si on vous dit que les femmes ne peuvent pas chanter de heavy metal, eh ben cette jolie doublette vous dira, vous pourra que non, ce n'est pas vrai du tout. Les femmes ne sont pas cantonnées à faire du metal symphonique, à chanter comme de l'opéra. Non, non, la preuve à l'instant. Avec ce groupe qui nous vient de Colombie, qui s'appelle Laser Witch, qui nous a sorti un album excellent. Éponyme, mais c'était en 2020 et je crois que le groupe a splitté, dommage. En tout cas, c'était No Pain No Game qu'on a eu ce soir. Juste avant les Orwich, par contre, venu d'Italie, le groupe Bastet et son album éponyme, c'était Lights Out. Et donc, comme je vous le disais donc en tout début d'émission, au sommaire, eh bien donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous hier ont appris la mort de Gary Rossington, qui était donc l'unique encore membre fondateur de Lynyrd Skynyrd encore vivant, The Last of a Dying Breed, d'ailleurs comme c'était d'ailleurs le titre du dernier album studio que le groupe avait sorti en 2012. Donc le groupe qui au fur et à mesure, quand il s'est reformé dans les années 90, perdait ses membres au fur et à mesure des tournées. D'ailleurs, même les remplaçants, des fois, mouraient aussi, si bien qu'on se retrouvait à la fin. C'était presque, Lynyrd Skynyrd était presque devenu un tribute band. Et là, bon, maintenant, je pense que le groupe fait partie vraiment de nos chers disparus. Donc, pour honorer la mémoire de Gary Rossington, ainsi que de tous les membres du groupe, je pense que le morceau Freebird, ce morceau magnifique qui figurait sur le premier album, ne peut que figurer ce soir. Je vous ai choisi la version live du fabuleux live One More From The Road qui était sorti en septembre 76. Et donc cette version enregistrée pas loin de chez eux à Atlanta en juillet 76. Donc en hommage à Gary Rossington et puis aussi à tous les autres membres de Lynyrd Skynyrd. this feeling I can't change. But please don't take it so badly. Cause the Lord knows I'm to blame. And if I stay. I'm as free as a bird now. How about you? And the bird, they'll never change. Oh, oh, oh, oh. And the bird, can I change? And the bird, you cannot change. Waouh, que dire ! C'était Freebird, donc le légendaire Lynyrd Skynyrd, extrait du non moins légendaire live One More From The Road, sorti en 1976, et ça c'était en hommage à Gary Rossington, qui était donc le dernier membre survivant du groupe Lynyrd Skynyrd. Et il est déjà 20h09 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, la deuxième heure d'Electric Shock a déjà commencé depuis un bon petit moment. Electric Shock, je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bien évidemment. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour du côté de Besançon. Retrouver le groupe Carcarias et son nouvel album. Donc Carcarias, c'est un groupe de death metal mélodique qui existe depuis le milieu des années 90 et dont on vous a déjà passé quelques-uns de leurs précédents opus dans Electric Shock. Ce nouvel album s'appelle Afterworld et ce soir, ça va être The Black Rain. We'll be right back. Putain, que ça vieillit pas. Pourtant, ça date de 2000. Bah, vous avez reconnu, j'imagine, le classique de In Flames Only for the Week, extrait de Clayman. Un de leurs meilleurs albums avec, pour moi, c'est ce que j'appelle la sainte trilogie de In Flames. Reroute to Remains, Soundtrack to Escape et Clayman. Voilà. Juste avant, c'était la deuxième nouveauté de la soirée, bien de chez nous, Made in France, puisque venu de Besançon, c'était Carcaria, c'est leur nouvel album Afterworld, c'était Black Rain. Comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, l'avantage de la radio, c'est qu'on voyage dans le temps et l'espace sans bouger de son fauteuil. À l'instant, donc, on était en Suède avec In Flames. Maintenant, je vous invite à faire un petit tour au Brésil, retrouver Rexor et leur deuxième album For Glory and Freedom, que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. Donc ça, c'est pour tous les fans de heavy metal pur et dur, avec le morceau de ce soir, Holy Wine. We'll be right back. les Canadiens de Sword, vétérans de la scène des années 80, extrait de leur troisième album Free. Oui, leur discographie par contre est très maigre. Et vous connaissez ce qu'on a déjà passé depuis le début de l'année. C'était Dirty Pig. Juste avant Sword, par contre, venu du Brésil, extrait de leur deuxième album For Glory and Freedom, c'était Rexor avec Holy Wine ce soir. Revenons à une déjantée notoire, qui est Lucy Sue, que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Et on va revenir donc sur son album To Sing in French, qui est sorti donc au mois de février. Et on va se faire un morceau un peu particulier sur cet album parce qu'il y a une version un petit peu jazzy, voire bluesy, du morceau Freedom de George Michael qu'elle a réarrangé à sa sauce et se donne ce Freedom 90. Voilà donc ce que ça nous donne. Oh, un petit côté bluesy, c'est vraiment sympa. C'était, j'imagine que oui, une revenante, Justin Blue avec son album True. Et c'était Bye Bye Big Bad Blues. Juste avant, Lucy Bsu qui nous proposait sa relecture du Freedom de George Michael, le Freedom 90, sur son album To Sing in French. Eh bien, maintenant, je vous propose la dernière nouveauté de la soirée. On va faire un petit tour en Angleterre avec le groupe de pop-punk You Me at Six et leur nouvel album, leur 7e Truth Decay. Et je vous invite à découvrir un petit morceau sympa qui s'appelle Deep Cuts. Ça sonne plus anglais que les anglais, pourtant c'est bien de chez nous, c'est Made in France, bah vous les connaissez, c'est les Not Scientist et leur nouvel album Staring at the Sun, et c'était Push. Juste avant, eux par contre viennent bien d'Angleterre, et c'est leur nouvel album Truth Decay, c'était donc You, Me at Six avec Deep Cuts, et c'était donc la troisième et dernière nouveauté de la soirée. Bah maintenant on va faire un petit tour dans les Pyrénées, retrouver le nouvel album de Worselder, mélange de heavy, de trash... Bien foutu. Un extrait donc de Redshift. Ce sera ce soir The Exoteric Verses. Petit souci. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, ouais, la platine aussi a ses humeurs. Elle est comme nous. Elle veut pas que... passer un disque ou pas, elle a décidé de me faire chier ce soir, voilà, en tout début, fin d'émission, elle a décidé de dire, oh bah tiens Christophe, elle l'emmerde un petit peu, donc, Worselder, est-ce qu'il va bien partir? Eh bien non, ça veut toujours pas. Eh oui, c'est les inconvénients du direct. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, voilà. Comme quoi, vous pouvez voir qu'on ne triche pas. C'est du direct avec tous les aléas qu'il peut y avoir. Bon, là, ça devrait être bon. Is War de Sins of Shadows, extrait de Imperium. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de ce moment de métal. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, je me suis éclaté comme toutes les semaines d'ailleurs. Alors, la semaine prochaine, surtout, ne ratez pas l'émission puisque je recevrai le groupe Sika que j'espère que vous donnera envie de découvrir davantage. Et d'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Je vous dis à mardi. Salut à tous! A equipa do Bruges, ao contrário do Benfica, que lidera o campeonato português, o Bruges está no quarto lugar, longe do líder Genk, que tem 67 pontos, o Bruges tem 46, mas não nos podemos esquecer que há aí o play-off de campeão na Liga Belga. É diferente, por exemplo, do campeonato português. Otamendi, Otamendi, entregado a direção de Blanco Nemos, a partir da sua linha mais recuada, a equipa do Benfica a tentar sair, é para intermédio de Florentino, acaba por captar a bola, acaba por ganhar, dar a direção do Chiquinho, que regressa ao 11 encarnado, depois ter estado lesionado, hoje já regressaram 11 e Roger Schmidt aposta na mesma equipa que jogou no Jan Breidel em Bruges, na Veneza Belga. A bola tocada para o Pistolas, olha o Gonçalo, vai receber, movimento de Gonçalo Ramos, esquerda do ataque da equipa do Benfica, faz o túnel, suma o adversário, a tentativa de deslocar um companheiro, cruzamento, gol! Muito bem, a tirar um calcanhar, a desviar a bola, mas estava em posição de fora de jogo, creio que Gonçalo Ramos, no início da jogada, mas foi um aviso daquilo que o Benfica promete neste jogo. Olha o Bruges agora a tirar ali ao lado da baliza do guarda-redes, Vlaco Dimos. O Bruges a tentar aproveitar este momento de desconcentração do Benfica, depois de ter feito um grande gol de João Mário, a cruzamento de Gonçalo Ramos, mas ele estava em posição irregular. José Nunes, foi um murro no estômago também para o Benfica e para os seus adeptos, com o facto deste golo não ser validado. Porque este golo, se é validado, o Benfica podia embalar. E por pouco, esse soco no estômago não podia ser ainda maior, porque o Bruges, na sequência desse lance invalidado, acaba por ter uma enormíssima oportunidade com o remate de cabeça a passar a centímetros do posto direito da baliza de Lacodemos, com o guarda-redes grego batido, nada poderia fazer. É uma jogada espetacular aquela que o Benfica fez, indiscutivelmente, não contou, foi pena, era de facto Gonçalo Ramos que estava ligeiramente adiantado, como muito bem disse o David Carvalho. Depois seguiu-se realmente uma jogada fantástica, coletiva, entre Gonçalo Ramos, também Rafa a abrir para Bá o cruzamento, e depois João Mário de letra a marcar um gol que deixou o Estádio da Luz por instantes absolutamente em delírio, mas não contou, e na resposta ao Bruges quase ia marcando. Guardado, o Bruges a aproveitar, não é da vida, aproveitar o facto meio do golo ao Benfica a não ser validado para chegar com perigo junto ao posto direito da baliza da Black Odemos. Foi tudo muito rápido, com o Nilsson a levantar para a grande área do Benfica, estava sobre a meia direita do ataque da equipa do Clube Bruges, e a aparecer Hans Van Aken a cabecear ao lado do posto direito da baliza de Vlaco Odemos, ficou também esse aviso da equipa do Clube Bruges. vem a bola para a formação do Bruges. É Bjorn Meyer. Lá está Bjorn Meyer, pronto para lançar. Bjorn Meyer a entregar na direção de Hans Van Aken. A tentativa de colocar o lateral esquerdo da equipa do Bruges. A bola acaba por sair. Lançamento já para a formação do Bruges da Bélgica. E atenção que este Bruges ficou em segundo lugar no seu grupo, na fase de grupos da Liga dos Campeões. E acabou por golear o Porto no Dragão. Depois foi goleado em sua casa, 4-0 no Dragão, e depois apanhou também 4-0 do Porto lá no Jans Breidel. Mas ficou à frente equipas como Atlético Madrid e como Bayer Leverkusen. Portanto, um Bruges que não está bem na época, mas não há como facilitar, como disse e bem José Nunes. Vai a bola já para a equipa do Benfica, lá está a tocar João Mário para trás. É o miúdo António Silva, toca para o lado na direção de Otamendi. É o Benfica a jogar de pé para pé. Agora vem Otamendi, novamente colocando no António Silva. Vem a bola fora da Rafa, na direção de Rafa, lá vem a Rafa, transportando a bola, abre na direita, aparece lá, cruzamento, tirado por baixo! Gonçalo Ramos ainda chegou, mas já chegou tarde. Primeiro guarda-redes, Mignolet. Outra vez com António Silva, a solicitar a presença de Rafa Silva, a subida de baixo, sempre no lado do direito do ataque do Benfica. O cruzamento, bola seca ali para a zona do ponta de lança e quase que Gonçalo Ramos lá chegava. Agora pressão alta da equipa do Benfica. É Clinton Mata, lá está o angolano Clinton Mata, pronto para projetar o jogo da equipa do Bruges. O Benfica com o bloco subido a pressionar, a ganhar a bola, dá para a Rafa, firme no sai do caminho, toca com Florentino, agora para o homem das luvas pretas, é Otamendi, joga novamente para a Rafa, virando o jogo para a direita, mata no peito, mete rasteiro, cola a bola na ponta na ponta da bota, mete o coração na ponta da bota, lá está ele, epa, vai jogar atrás António Silva, leva António Silva, prepara-se para colocar António Silva na frente, não há linha de passe, a bola vem atrás, é para a Rafa, zona centralizada, passa no primeiro, passa no segundo, vem jogar a Rafa, ainda levar e vai ali tocar, na esquerda vai aparecendo Grimaldo, Ramos e a defesa Mignolet. Ou não atrás, eis a questão da vida. Pois acabou por aparecer um jogador do Clube Bruges naquela zona. Mignolet agarrou a bola. Os adeptos do Benfica acabaram por reclamar, mas Clinton Mata claramente mal a colocar a bola diretamente nos pés do jogador do Benfica, que estava ali já na pequena área a afiar o pé. E neste caso foi Mignolet quem resolveu o problema. Segue jogo para a equipa do Clube Bruges, agora instalada no meio campo defensivo do Benfica. David Carvalho, o repórter da Antena 1 no Estádio da Luz, em noite da Liga dos Campeões, quando a bola está em Clinton Mata. Olha o angolano Clinton Mata, acaba por dar para Brandon Mikkel, vai virando na direção do Nolang. É o Benfica a fechar por intermédio do seu lateral direito, Alex Vá. E ainda ali um ligeiro toque para Vlaco Dimos, quase que se desfaçava ali Vlaco Dimos em relação ao atraso de António Silva, mas consegue recuperar e dá na direção de Otamendi. 0-0 primeiros instantes no Estádio da Luz, a Lisboa. É a Liga dos Campeões, estrelas ainda não brilharam, o Benfica ainda não marcou, aliás já marcou, mas foi anulado, bem anulado, havia fora de jogo de Gonçalo Ramos. Olha o melhor marcador, olha um dos melhores marcadores do Benfica esta temporada, leva 14 no campeonato, 5 na Liga dos Campeões, queria marcar o 6º na Liga dos Campeões esta época, João Mário. Pois claro, a bola vai rolando, a luz a beipar pelas costuras. Hoje o Benfica é empolgação, é fé, é crença. Chega o Bruges, cruzamento para ser tirado na linha final, e Hans Van Aken limpa bem, a defesa encarnada, a bola vai fora, grande corte do António Silva. A aparecer o jogador do Benfica a fazer o corte sobre Yaremchuk, de carrinho muito rápido, António Silva ganha pontapé de canto a equipa do Clube Bruges. Pontapé de canto para a equipa do Clube Bruges. Lá veio a formação belga, pronta para colocar no quarto de círculo. A bola vai ser cruzada para a área. Lá está o cruzamento, a bola já tirada. Não há ninguém para empurrar para a baliza encarnada. O Bruges ganhou ânimo, galvanizou-se quando podia ficar de rastros com aquele golo logo a abrir do Benfica. Mas porque havia o fora de jogo a Gonçalo, o Bruges continua vivo na eliminatória. Essa é que é a verdade. Sai bola para a equipa encarnada, não consegue construir. O Bruges vai vai pressionando e consegue ficar com a bola para Bjorn Meia. Lá na esquerda, a tabelinha a sortir, vai ainda avançando a equipa do Bruges. Linha final, cruzamento a ser tirado. Vai ali a bola para trás, mas chega Chiquinho, ajuda a sua defesa, projeta para a corrida. Olha ele, olha o Gonçalo Ramos à espera da bola, Rafa, a levar, a cruzar. Chega tarde, Ramos. Rafa na saída rápida. Procura o Pistolas. Mas a bola foi para lá, mas Ramos ainda não estava. É, Chiquinho esticou demasiadamente o jogo do Benfica. Em termos atacantes, quis lançar a velocidade de Rafa. Estava cara a cara com Brandon Mekele. Esperou que Gonçalo Ramos já chegasse, mas o ponta de lança do Benfica estava muito distante em relação à grande área do Clube Bruges. Ganha lançamento, no entanto, o Benfica já efetuado. É, o Benfica já a jogar para a tremenda do Chiquinho. Lá está Chiquinho a dar na direção de Otamendi. Tudo se vai passando no meio-campo da equipa do Bruges. A da Bélgica. Fletio lateralizou. Entrega para António Silva. Vai procurando jogar lá na direita. Em Bá. A bola passa por entremeda de João Mário. Vai agora novamente para Alex Bá. Alex Bá a empregar ainda para António Silva. A partir daí pode servir jogo. O jovem central da equipa encarnada. Na Gala, Cosme Damião. O jogador jovem do ano. Revelação do ano para o Benfica. Vem a bola tirada. O Benfica a subir. O cruzamento a ser tirado. Era Gonçalo que aparecia. Grande corpo! Quase que saía. O centro para os pés de Ramos. Por intermédio da bola na direita. Outra vez Bá a ligar o turbo sobre a direita. Apareceu Silá nas barbas de Gonçalo Ramos. A ceder mais um pontapé de canto para a equipa do Benfica. Ataca ao prestígio e aos milhões da Liga dos Campeões. O Benfica nunca perdeu em casa com equipes belgas. Também não vai ser hoje. Olha o canto. A bola cruzada. Ali o cabeceamento a sair do Ramos. Ainda mexe, ainda está vivo. Olha a bola. Pipoca na área. A saltar. Vai sobre ainda para as águias, o Chiquinho tocou, levantou Florentino, limpa o central, Mikela, e depois vai ficar a dar melhor seguimento. Vou contigo, Janones, até porque estamos nos primeiros 11 minutos da etapa inicial. Não há golos, Benfica Bruges. Benfica está a jogar muito bem, entrou de forma espetacular, o gol não valeu, é verdade. Há dois jogadores que se estão a destacar muito, Rafa e Bá. Eu creio que Bá está a fazer uma exibição como provavelmente nunca lhe tínhamos visto fazer na equipa do Benfica. Muito confiante, muito agressivo. Tem trespassado o corredor esquerdo defensivo da equipa do Bruges com muita categoria. O Benfica está a rodar muito bem a bola. O Bruges, como tu disseste, e muito bem, ganhou moral com o facto do gol do Benfica, e mais a mais da forma que foi marcado de letra, depois de uma grande jogada coletiva, não ter contado. Logo a seguir, Vanaken, o melhor jogador da equipa, poderia ter chegado à vantagem, e é esse o objetivo da equipa do Bruges, sobreviver à categoria coletiva do Benfica no processo ofensivo, para poder numa qualquer jogada marcar um gol e já esteve perto de o fazer. Mas o Benfica aparentemente está muito bem. José Nunes, Nuno Matos, permitam assinalar o início do Chelsea-Dortmund. O jogo começou com 10 minutos de atraso. Os alemães chegaram atrasados a Stamford Bridge. João Félix e Enzo Fernandes são titulares nos Blues de Inglaterra. Rafa Guerreiro é titular no Borussia de Dortmund. Muito bem, obrigado Fernando. Estamos também ligados nesse Chelsea-Dortmund em Stamford Bridge, em Londres. Sporting que agora vai jogar também com outra equipa inglesa, os Gunners do Arsenal, na Liga Europa. E na quinta-feira em Alvalade, há Arsenal Sporting também para escutar na Antena 1. E claro, o Inter Futebol, o Futebol Clube do Porto Inter, que jogatana também essa. Os Nerazzurri, segundos classificados da Liga Italiana, frente ao segundo classificado da Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto. Está tudo em aberto nessa eliminatória, apenas com vantagem mínima para a equipa de Milão. Ligado na rádio que oferece as partidas europeias com todo o destaque. Vem bola no Bá, olha o Bá, ninguém cai em cima do Bá, então o Bá vai avançando. Aparece apenas o Bjorn Meier, o neerlandês, em cima do Bá. O Bá é obrigado a atrasar, dá para Florentino, olhou para João Mário, toca para João Mário, a meio do meio campo da equipa belga, ainda mais para trás para o grande círculo, onde está o Otamendi sozinho. Ligeiro toque para o lado, é para Chiquinho, completamente recuperado. Lá está Chiquinho, dá para Rafa, devolve Chiquinho, zona central, consegue o passe, aparece Ramos, vai fugir Ramos, adiantou demasiado, permitiu a chegada de Mignolet, se não ia colocar por cima do belga. Muito rápido o experiente Mignolet, também na leitura do lance, a agarrar junto aos pés de Gonçalo Ramos. Apareceu Brandon Mekele, ainda a tempo para fazer um corte, já em desespero. Bom passe de Chiquinho entre os dois centrais, Silá e Mekele. O Benfica a jogar no seu habitual 4-2-3-1. A equipa do Bruges com uma linha de 3, Clinton Mata, Michel e Silá, depois cinco homens no meio campo nas costas de Noalang e Yaremchuk, que até agora não deu a cor de si nesta partida. Verdade, hoje podia ser opção Ferran Jutglà, jogador do, que estava no Barcelona e o goleador desta equipa do Brugge, 10 golos esta temporada e 7 assistências. A verdade é que volta a não ser opção, já não foi opção no primeiro jogo. Lá vem a bola saindo dos pés de João Mário, abrindo na direita para Bá. Bá consegue segurar a bola, dá mais atrás para um companheiro de equipa que é Florentino. Florentino Luiz, agora sai o passe para o Otamendi de António Silva. Mete no meio campo do Brugge, à la esquerda para um jogador que tem estado logo apagado e pouco em ativos. Arsenal deu no Chiquinho. Agora é Rafa para António Silva, novamente a saída do meio campo do Benfica, devolve no Rafa, liberta João Mário e vai para a cara do gol, atira, cruzamento, olha, incrível, não pode falhar um golo deste, Florentino Luiz, deslumbrou-se e atirou ao lado da baliza de Mignolet. Que bela jogada, tudo bem ligado, tudo bem rendilhado, e o passe foi magistral do João Mário. Ele viu-se Florentino a chegar sozinho, Ramos estava tapado, David, que falhaço incrível de Gonçalo Ramos, desculpa, de Florentino a atirar de pé esquerdo, o remate saiu torto ao lado do posto direito da baliza de Mignolet. Os adeptos do Benfica já gritavam golo nas bancadas ou preparavam-se já para fazê-lo. Ouviu-se o tal bruá decorrente desse falhanço de Florentino, mais uma vez com Rafa sobre a meia direita a espalhar o pânico. Passa a rasgar para João Mário, que depois olhou e, em vez de tentar finalizar, tentou servir em bandeja de prata Florentino. Eu não sei se o Florentino se deslumbrou, se tremeu no momento de marcar. Pois, é verdade. Tremeu as duas coisas, concordo, José Nunes. O Benfica, a verdade é que acaba por dispor aqui de uma grande oportunidade para inaugurar o marcador. Já marcou um golo, mas a verdade é que havia fora de jogo no início da jogada do Gonçalo Ramos e o golo não foi invalidado à equipa do Benfica. Era um belo golo de letra, um golo para o ápice da área com João Mário. Marcar um bonito golo, mas a não ser validado. O Benfica está melhor, a partida vai dominando. Está o Benfica aí poderoso, dominador, em cima do adversário. Passe Florentino, empada na direção ali António Silva. Envolve-se o processo de ataque da equipa. Abre no Alex, olha o grilho, na linha final, tirou, corta a defesa do Brugge, outra vez Brandon Minkela, jogador das escolas do Brugge, vai ganhar. Atenção, porque Chiquinho foi atingido por Yaremchuk. É, por Yaremchuk. E amarelo para o ucraniano, que já representou o Sport Lisboa e Benfica, atingiu ali de sola Chiquinho, que saiu das quatro linhas, está ali entre uma zona técnica e outra dos bancos de suplentes, parece já estar recuperado, está a sair ali aquele fumo característico, ou o gás característico do spray que vai sendo aplicado ali no pé de Chiquinho, vai regressar ao relvado. Até agora foi a única coisa digna de registro que Yaremchuk fez. Sim, no jogo. É verdade, Yaremchuk que trocou o Benfica, foi para o Brugge, também não está a conseguir pegar destaque. Vamos ao livre para o Benfica, a entrada do meio campo da equipa do Brugge, é exatamente sobre a esquerda, da forma como avançam as águias. Bola tocada, Chiquinho faz o chapéu, a meta bola lá na área do Brugge, ainda a trabalhar o Benfica, mas não fora de jogo, tirado a Gonçalo Ramos, o jogador que quer continuar a mostrar-se nesta Liga dos Campeões Europeus, aos tubarões europeus. É uma das figuras do Benfica na presente temporada, melhor marcador do campeonato, leva 15 golos à frente de João Mário e também de Fran Navarro. Marcou na vitória frente ao Famalicão no Estádio da Luz na última jornada, 2 golos do 88. Gonçalo Ramos voltou a tirar as pistolas do coldre. Segue jogo com Van Aken. Olha Van Aken para o Mata. O Mata pode dar para Mikkela. Joga ao lado para Abacar. Silá, Costa para Finança, para o homem das botas de laranja, que é Bjorn Maia. Oferece para Kasper Nilsson. O atraso para o guarda-redes, Simão Mignolet. Já passou por vários sustos. Quer saber como está o resultado? 18 minutos, 0-0 na Luz. 18 minutos, 0-0 na Luz, na segunda mão. 18º de final da Liga dos Campeões. Ligado na melhor, na sua Ampena 1. Na sua querida Ampena 1. E fica para já o dominador, mas sem conseguir marcar. Já depois de uma grande oportunidade por intermédio do Florentino. Foi há minutos atrás, estava na cara do golo. a bola vindo no colo do Florentino, acaba por não conseguir a pirar para o golo. Aí vem o Benfica, mais uma bola para Ramos, vai chegando o Ramos, acaba por limpar a defesa do Bruges e resolve o Nilsson para Mikkel, a despachar a bola diretamente para fora, lança novamente o Benfica na direita do ataque da equipa orientada para Roger Schmidt. Já fez saber, Benfica tem condições para conquistar a Liga dos Campeões, porque não? Disse Roger Schmidt, nunca há que deixar de acreditar, quem consegue chegar, e se o Benfica chegar às 8 melhores equipas da Liga dos Campeões, tem tudo para poder pensar nisso. Agora há equipas que têm mais chance, há umas que têm mais chance que outras, como sabemos, ele teve a oportunidade de dizer isso, mas não morre a fé, não morre a esperança, a crença. Benfica consegue ganhar, zona subida, Grimaldo, Jamário, sai o corte no Lega, Bruno Otamendi, ao lado. Falta duríssima sobre Otamendi, falta duríssima. Uma entrada, foi antes de mais, foi Maier. Nolan, quem faz a falta? Nolan, a entrada com tudo sobre Otamendi, que tentava a recarga a este lance em que Maier tira a bola da baliza do Clube Bruges. Escapou-se o lateral esquerdo do Benfica, Grimaldo, com João Mário a aparecer, tinha a baliza completamente escancarada e Maier estava no sítio certo na hora exata, sendo também ajudado por Mignolet. A bola ele foi... Ele tira em cima da linha de baliza, praticamente, do João Mário. Sim, praticamente sendo ajudado também por Mignolet. E há um cartão amarelo para Noah Lang, é preciso recordar, há livre para o Benfica, é perigoso para a formação do Clube Bruges, com Mignolet a orientar uma barreira densa no interior da grande área do Clube Bruges. A bola está aí a 4, 5, 6 metros da linha limite da grande área e prepara-se Grimaldo para bater ou Chiquinho. Vai-se formando a onda, vai-se novamente um verdadeiro tsunami de emoções a partir das bancadas do Estádio da Luz. Olha o livre descaído sobre a esquerda, há pouco o Otamendi a bater forte, a bola passou perto da baliza do Bruges, mas havia falta do Noah Lang, que viu o amarelo. Olha o livre, Grimaldo bateu, sai ao lado da baliza de Simão Mignolet. Sabemos... remate de Grimaldo, mais em jeito do que em força. Exato, e sabemos que é um excelente executante, mas utilizou o pé esquerdo sobre a meia esquerda. É, de facto, um exercício mais difícil tentar o gol daquela maneira. Estava lá também Chiquinho para eventualmente tentar o pé direito. Foi de pé esquerdo, foi de Grimaldo, a bola a passar ao lado do poste esquerdo da baliza do Clube Bruges. Aí vem Maria Bjorn Maier, agora é sobre a esquerda Bjorn Maier, viu ali João Mário a tapar a ação. João Mário, a mais um grande jogo ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, a fazer uma excelente época. Esta é a minha missão mundial da Antena 1, a partir do Estádio da Luz em Lisboa, com o cuidado do Eric Arizanos e a reportagem do David Carvalho, a análise do José Nuno e o relato do Nuno Matos, do Fernando Henrique, concordaram nos estúdios da Antena 1. Vem a bola para, vem a bola para Grimaldo, o atraso de Grimaldo, não consegue a saída, dá para o Otamendi, vai lá Yaremchuk, encostado no argentino, tocou ao lado, é para António Silva, lá vem António Silva, encontra Chiquinho, abre aí, dá espaço Bruges para a saída de bola do Benfica. É Chiquinho que leva, levava com ele no camisola 17, Bio Canan acaba por oferecer a bola a Bjorn Maier. O Benfica a ter que manter o foco no jogo, não se pode despistar, como dissemos no início da transmissão, veneno para morrer, sonho para viver e a luz a ferver, e o marcador ainda não está a arder, mas vai estar daqui a pouco. Leva então a bola a equipa do Bruges, de pé para pé, Van Aken já virou, vai conduzindo o Bruges sobre a esquerda, recebe a entrada da área lá e Yaremchuk, o cruzamento não sai porque não há espaço, e para o lateral de Armeiro que consegue colocar, agora sim! E o cabeceamento a sair ao lado da baliza do guarda-redes Vlaco Demos. Van Aken outra vez. Van Aken, de cabeça. Sim, o cruzamento na direção da baliza. Noah Lang, creio que foi ele quem colocou a bola direitinha na cabeça de Van Aken, que voltou a ameaçar a baliza defendida por Vlaco Demos. A bola passou ao lado do poste direito do Internacional Helénico. Sai a jogar a equipa do Benfica. Muito bem, Van Aken é um dos jogadores em destaque nesta equipa do Bruges, como há outros, Noah Lang, o próprio Ferran Jutklar, que hoje não está no 11, são algumas das figuras desta equipa do Bruges. Janones a 0-0, 24 minutos, caminhamos para lá. Benfica, dominou treinador já dispôs de boas oportunidades para inaugurar o marcador. Ainda há pouco, sobre a linha de baliza, tirou a bola. Bjorn Meyer avança o Benfica. Agora Grimaldo a tentar bater ali. Não passa a primeira. Ainda na esquerda está na área do Brujo. Fora de jogo. A Grimaldo. Benfica já podia estar claramente a vencer. Sim, o Benfica está a jogar muito bem. Há jogadores que estão a atuar a alto nível. Já falaste também, João Mário. Rafa e Bá abriram as hostilidades, mas digamos que a equipa está a jogar de forma harmoniosa como um todo, com um coletivo muito forte, muito técnico, e a colocar muitas dificuldades à equipa do Brujo. Curiosamente, os dois playmakers